soir pour te parler de notre aventure. Faire un flashback sur notre histoire, que ces quelques lignes retracent, ces années de doute, ces années d'espoir. Ça fait longtemps maintenant que je t'admire, longtemps que je marche à tes côtés, je peux dire que je t'ai vu grandir. On a appris à se connaître, appris à s'aimer, appris à être honnête et à aussi se respecter. On a compris que la musique nous faisait vibrer, écrit sur feuilles blanches sans jamais s'arrêter. On a vécu plein de choses et piqué des fous rires, versé des larmes aussi mais toujours surmonté le pire. On s'est soutenu dans les moments durs, la main dans la main, on avançait franchissant les murs. T'as été mon moteur, ma force et aussi ma foi. Quand dans ma tête ça déraillait, t'as été ma voix. Je dois dire merci aussi quand parfois j'étais pas facile. T'as su calmer ma haine, m'a rendu plus docile. C'est vrai que sans toi, bah j'aurais vite coulé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce monde m'aurait vite saoulé. Me eres mi sol y la noche, mi luna. Y cuando estás a mi lado, mi fuerza. Eres mi luz y mi alegría. Y cuando no estás, extraño tu presencia. Eres mi sol y la noche, mi luna. Y cuando estás a mi lado, mi fuerza. Eres mi luz y mi alegría. Y cuando no estás, extraño tu presencia. Les années ont passé et on a pris de l'âge. Nos expériences nous ont donné un sacré bagage. On a appris que la vie n'était pas facile tous les jours. Et nos larmes parfois témoignent d'un passé trop lourd. Quoi qu'il en soit, on n'a pas baissé les bras. Qu'importe la difficulté, on était là. On est parti un jour, guidé par notre étoile. Vers cette grande aventure, on a hissé la voile. Moi qui rêvais depuis l'enfance de marcher sur ma terre. Aujourd'hui j'en reviens plus fort et avec toi plus fier. J'ai tellement de souvenirs gravés, tellement d'images. Toi et moi coupés du monde devant ces paysages. Ces montagnes, ces déserts qui nous ont fait rêver. Ces volcans et cette mer qui nous a tant bercés. J'en ai des frissons, une nostalgie qui me rend heureux. Et encore plus quand je me dis qu'on était à deux. A mi lado mi fuerza, eres mi luz y mi alegría. Y cuando no estás extraño tu presencia. Eres mi sol y la noche mi luna. Y cuando estás a mi lado mi fuerza, eres mi luz y mi alegría. Y cuando no estás extraño tu presencia. Parce que petite sœur, le monde est grand, le monde est beau. Pas évident de se faire une place, tenir debout sur ce radeau. Nous on a cru en notre étoile et navigué au cours de l'eau. On a rêvé pouvoir un jour se mêler au vol des oiseaux. Alors petite sœur, garde cette force qui fait de toi un être à part. Car toi et moi, je te le redis, on fait la paire. Surtout change pas, car toi et moi c'est pour toujours. Et quoi qu'en disent les gens, on sera toujours là l'un pour l'autre, filant au gré du vent. Petite étoile, un soir d'hiver a pénétré mon univers. A fait naître en moi une force, a envahi mon atmosphère. Je t'écris ces quelques lignes pour te rendre hommage. Petite étoile, avec toi, je tournerai encore pas mal de pages. Parce que petite sœur, j'ai juste envie de dire que je t'aime. Parce que petite sœur, y'a que toi qui sais consoler ma peine. Voilà petite sœur, je t'embrasse, reste la même. C'est mon cœur qui parle, cuídate bien. Eres mi sol y la noche mi luna. Y cuando estás a mi lado mi fuerza. Eres mi luz y mi alegría. Y cuando no estás extraño tu presencia. Eres mi sol y la noche mi luna. Y cuando estás a mi lado mi fuerza. Eres mi luz y mi alegría. Y cuando no estás extraño tu presencia. Ok, otra vez. Eres mi sol y la noche mi luna. Y cuando estás a mi lado mi fuerza. Eres mi luz y mi alegría. Y cuando no estás extraño tu presencia. Eres mi sol y la noche mi luna. Y cuando estás a mi lado mi fuerza. Eres mi luz y mi alegría. Y cuando no estás extraño tu presencia.